Vous êtes encore à l'émission Bouquins et Confidences, animée par Julie Collin, jusqu'à 6h30 avec vous. Et je suis accompagnée encore et toujours pour l'émission de Marie-Pierre Lahens, qui est agente littéraire. Rebonjour. Rebonjour, Julie. Donc, dans les choses que tu fais aussi, tu aides les auteurs à postuler pour des bourses. Oui, les bourses d'écriture. Oui. En fait, il y a des appels à candidature qui se font chaque année. Certains en tout temps, d'autres à des dates spécifiques. Et puis, j'aide un peu les auteurs dans l'élaboration de leur dossier. Ça va être revoir leur CV artistique. Ça va être aussi revoir la présentation de leur projet. Si c'est, par exemple, une bourse d'écriture parce qu'ils veulent pouvoir dégager un temps pour l'écriture d'un prochain roman, donc avec des recherches, des déplacements, etc. Donc, je les aide pour ça. Parce que c'est une écriture différente. Là, on n'est pas dans la littérature. Donc, il y a une manière de présenter un projet, de se présenter aussi. Et je les aide pour ça. Quel type de bourse qu'on peut, faire, par exemple? Des choses concrètes là, qu'on pourrait imaginer? Un auteur peut demander une bourse pour faire des recherches pour un prochain roman. Et puis... pour le temps d'écriture du premier jet, par exemple, voire d'une réécriture aussi. Il va évaluer les coûts et puis à partir de là, il pourra éventuellement demander une bourse qui correspond aux différents critères. OK. Ça peut être une bourse qui peut être au Québec comme ça peut être à l'extérieur dans un autre pays finalement. Oui, en règle générale, c'est plus au Québec, mais effectivement, c'est ouvert à des... Il y a des bourses qui sont ouvertes pour la francophonie, oui. OK. Ah, c'est intéressant. Il y a quand même quelque chose d'agréable parce que... Je ne me souviens plus avec qui qu'on avait parlé de ça, mais juste de changer des fois d'environnement, ça aide à écrire, justement, de voir autre chose. Oui. Oui, je sais, c'est avec Dominique Bellavance, en fait, pour son livre « Comment écrire plus ». Donc, c'est ça, des fois, juste de changer d'environnement, ça motive une personne à écrire, ça fait différent. Finalement, on n'est pas à la maison comme d'habitude, on voit les choses autrement, avec les mêmes yeux, mais autrement. Oui, puis dans ce cas-là, tu n'es plus prisonnier de ta routine. Oui, tout à fait. Hein. C'est ça. Donc, du coup, justement, toutes les petites tâches qui viennent gruger ton énergie et ton temps passent vraiment à l'arrière-plan, et puis c'est l'écriture qui va passer en premier. Ça, c'est important, hein, pour écrire, il faut écrire. Tout à fait. Exactement. Puis, je te dirais, comme il y a quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus à chaque fois, obtenir une bourse, c'est déjà une distinction. C'est reconnu comme une distinction pour un auteur. Ouais. OK. Donc, pour être plus clair, ça compte. Là, après ça, quand tu dis « j'ai obtenu une bourse, je suis allée là-bas », ça compte, dans le fond, dans ton CV d'auteur. Après, de la même façon que tu as gagné un prix, ça compte. Oui. Le fait d'avoir remporté une bourse, ça compte aussi. Oui, tout à fait. Puis certaines maisons d'édition, ils seront sensibles aussi dans la manière de regarder le manuscrit. OK. Ouais. Et dans tout, comme on dit. Ouais. Moi, j'ai quelque chose, une question, une autre question pour toi. J'en ai plein, hein? Plein de questions. C'est ça un peu le but de l'émission, que je pose plein de questions. J'ai vu sur ton site que t'offres des services d'écriture par un écrivain fantôme. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, l'écrivain fantôme, c'est celui que tu ne peux pas saisir, par définition. Écoute, en fait, lorsque tu vas en librairie et puis que tu vois une auto, tu vas mettre entre parenthèses autobiographie d'une personnalité politique, d'une personne qui travaille dans le show business, par exemple, en tout cas d'une personnalité publique, il y a de grandes chances que ce ne soit pas cette personne qui ait écrit le livre, qu'elle en soit signataire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait dans le livre. Ça veut dire que, par exemple, une maison d'édition ou une maison de production aura demandé à un écrivain fantôme de travailler avec cette personne-là, de la rencontrer lors de séances où ils vont aborder différents points. et l'écrivain fantôme va devoir prendre des notes pour être le plus fidèle possible ensuite à la manière de s'exprimer de cette personnalité-là. Ça, c'est un exercice très très difficile pour un auteur, parce qu'il va devoir taire sa propre voix. Et donc écrire ce roman-là. Et c'est un exercice d'autant plus difficile qu'il va falloir de temps en temps aller creuser ce que raconte cette personnalité pour pouvoir pour éviter éventuellement des incohérences. Pourquoi? Parce que ben on s'arrange tous un peu avec notre mémoire, hein. Donc des fois, la manière dont on s'arrange fait en sorte que ça là, peut créer des incohérences après qui peuvent être visibles dans un livre. Donc, l'écrivain fantôme va devoir aussi pousser de ce côté-là. Mais ça peut être aussi un ouvrage corporatif pour l'anniversaire d'une grande entreprise. Il n'y aura le nom de l'auteur n'y figurera pas forcément. Et là, donc, c'est un écrivain fantôme. Et c'est quoi l'intérêt pour un écrivain d'écrire de façon fantôme? C'est une manière aussi de vivre de l'écriture, une manière parallèle de vivre de son écriture. En gros, c'est ça. OK. Puis c'est pas un peu triste dans un sens de travailler pendant si longtemps avec quelqu'un et de pas obtenir la reconnaissance de cet ouvrage-là après? Je te rassure, Julie, tous les écrivains fantômes sont volontaires. OK. Non, mais moi, je sais pas, je trouve ça. Parce que là, tu dis les biographies, des fois, il va être marqué autobiographie. Ouais. Ça se peut que la personne l'ait vraiment écrit, mais ça se peut aussi que ce soit un écrivain fantôme et qu'on le sache juste pas, nous, oui. Comme un des mortels. Parce que c'est confidentiel, hein, c'est un écrivain fantôme. C'est ça. C'est sûr que la personne ne peut pas faire hey, moi, je suis l'écrivain fantôme pour tel livre. Mais tu vas. Exactement. Donc, c'est pour ça que tu n'auras aucun renseignement là-dessus. Par contre, tu pourras remarquer que de temps en temps, je dirais, tu as des écrivains semi-fantômes qui apparaissent. C'est-à-dire que tu verras propos recueillis par. Okay. En fait, la personne qui est citée ensuite et la personne, en règle générale, qui a écrit le livre. OK. D'accord. Donc, les propos recueillis par, ou est-ce qu'il pourrait, mettons, avoir aide à la rédaction ou des espèces de formules un peu comme ça? En général, c'est propos recueillis par. OK. Okay, ou avec. OK. C'est tout. Un écrivain fantôme, est-ce que c'est payé à forfait ou c'est un pourcentage encore? Ça dépend. OK, ça dépend encore une fois. Ça dépend. Hmm. Parce que ça va être, si tu veux, une évaluation, par exemple. Ben, en règle générale, c'est quand même les maisons d'édition hein, qui peuvent passer des commandes. Elles vont payer un forfait pour l'écriture, mais il se peut qu'il y ait un pourcentage aussi et qui va varier en fonction du poids qu'a la personnalité qui signe ce livre-là. Sur les ventes. Si en fait le fait que ce soit un très grand nom assure forcément les ventes de ce livre-là, il se peut que le pourcentage de l'écrivain fantôme soit vraiment très très petit, voire inexistant. Ça dépend. En même temps, comme écrivain fantôme, tu ne peux pas non plus pousser la vente de ce livre-là. C'est un peu délicat, mais de toute façon, comme je te dis, en règle générale, les maisons d'édition ont leurs propres écrivains fantômes. OK. Donc, toi, tu offres quand même le service via tes écrivains, probablement, j'imagine, les écrivains que tu représentes. Via certains écrivains fantômes. OK. J'essaie de savoir des confidences, hein? Vous aurez compris, j'essaie de comprendre. J'essaie de poser des questions. En même temps, je comprends que c'est comme super... En tout cas... Ben, c'est le thème de ton émission. Hein? Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de creuser, j'essaie d'avoir des réponses ou des affaires. Mais en tout cas, on a reçu que des fois, il y a des écrivains fantômes, puis on ne sait pas qu'il y en a. Ouais. Puis d'autres fois, ben il y en a qui sont un peu plus semi-fantômes, puis on le sait un peu qu'ils sont dedans. Généralement, ils ont collaboré, mais des fois, on ne le sait pas du tout. Puis ça fait partie de la vie. Ouais. C'est comme ça. Mais okay. Dis-toi que, de toute façon, par exemple, une personnalité politique qui a quelqu'un qui écrit ses discours, il se peut fortement que son autobiographie soit aussi écrite par quelqu'un d'autre. Ouais, j'avoue qu'il y a quand même une certaine logique là, dans le sens que t'as pas nécessairement le temps d'écrire tes discours, puis tout ça, il y a quelqu'un d'autre qui t'aide là-dessus, donc probablement que t'as besoin d'aide aussi, moi, j'avoue. Puis il y a une question de temps aussi, hein. Tantôt, on l'a dit, ça prend du temps à écrire, ça prend du temps à réécrire, puis tout ça, puis c'est un métier. Ouais. Des fois, tu as des choses à raconter, mais c'est pas ton métier de les raconter de cette façon-là. Exactement. Ouais, non, c'est sûr, c'est que ça répond à un besoin encore une fois. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il était écrivain fantôme. Puis, ça m'était, ça, en fait, je peux te donner une anecdote. Je dirais un auteur au sens neutre, qui a été écrivain fantôme et qui m'a raconté que lors d'un séminaire auquel il s'était inscrit, on lui avait proposé en lecture le livre qu'il avait écrit. Mais ça, c'est quasiment un classique. Ça a peu de chances d'arriver, mais ça arrive. OK, donc il était pris un peu pour lire son livre. C'est ça. Puis en même temps, il peut pas dire, ben, je le connais bien, ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit. Exactement. Et il doit comme feindre un peu le fait comme, ah, wow, un livre que je connais pas. Oh, OK. Ouf, quelle aventure. Mais ça, c'est les joies d'être écrivain fantôme. Donc, pour résumer, c'est une façon d'écrire puis de gagner sa vie, dans le fond, avec sa plume aussi. Oui, c'est un revenu supplémentaire. Oui, c'est ça, c'est un revenu supplémentaire. Et c'est une façon de gagner sa vie avec sa plume, mais qui n'est pas tant sa plume en même temps. Parce qu'il faut que tu t'adaptes à l'autre Exactement. Personne. C'est quelque chose. Que tu sois vraiment... Il ne faut pas que ça paraisse que tu es là, finalement. Tout à fait. C'est ça qui est difficile. OK. Mais c'est un bel exercice d'écriture. Tout à fait. OK. En tout cas, je vais essayer de trouver ça, moi. Quelqu'un va pouvoir me parler d'écriture fantôme. Pourquoi ils font ça? Mais je vous le dis, là, sérieusement, les auditeurs, je connais plein d'auteurs, j'en connais là, des tonnes, et personne ne m'a dit encore qu'il était écrivain fantôme. C'est jamais arrivé. Donc là, on va prendre une petite pause musicale, Marie-Pierre. Ouais. Tu m'as proposé différentes chansons, puis il y a une chanson qui est inspirée par un recueil de poèmes. Ça se peut-tu? Oui. Dans les chansons que tu nous as suggérées, est-ce que tu peux nous en parler un peu? De Federico Garcia Lorca, oui. Les Complaintes Gitanes. Il s'agit du titre Hijo de la Luna de Mecano. En fait, il m'arrive, lorsque je travaille un manuscrit avec les auteurs, de demander de s'inspirer d'une chanson, éventuellement, pour un rythme, pour une idée, pour une sensation qui devrait passer auprès du lecteur et qui passe dans cette chanson-là. Donc, je ne peux pas être plus précise que ça dans ce cas. Donc, je lui envoie le lien de la chanson et puis je lui dis, ben, inspire-toi de ça, travaille ce rythme-là ou ces sonorités et puis... ce que tu peux faire avec ce passage. Parce que toi, tu me disais que tu n'écoutais pas vraiment de musique quand tu travailles. Hein? Non, parce que sinon, je commencerais à chanter, à m'arrêter. Fait que là, on va mettre la chanson, puis peut-être que tu vas te mettre à chanter, c'est ça qu'on veut comprendre? Je ne préfère pas pour tes auditeurs. Non, mais de toute façon, on va baisser les micros quand même. Parce qu'on va l'écouter quand même quelques secondes. Moi, j'ose pas dire le nom, parce que j'ai pas un super bel accent comme toi, mais c'est Mecano qui sont cette chanson-là. Fait qu'on l'écoute. El que no entienda cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar un calé a tu hombre piel morena desde el cielo habló la luna llena pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer luna quiere ser que te haga mujer dime luna de plata ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Je t'ai vu chanter un peu. Je t'assure que je faisais comme mimer au cas où. Ça, c'est le think. Donc, oui, cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle t'inspire? C'est sur le désir de maternité et puis aussi la perte. Donc, c'était justement ces sentiments-là qui devaient être travaillés dans ce passage. Donc, C'est pour ça que je l'avais indiqué à l'auteur. Il faut que la personne comprenne l'espagnol. Oui, mais tu trouves quand même la traduction. Et puis en plus, okay. elle existe aussi en français. Je découvre plein de choses. Moi, je découvre plein de choses sur le monde du livre et je découvre des choses sur les chansons en plus. C'est super intéressant. Rapidement, on va passer pour une autre chanson aussi que tu m'as suggérée. C'est Charles Trenet. Oui, Charles Trenet, oui. Donc, pourquoi? Là, c'était parce que dans un passage, il fallait travailler le rythme pour la légèreté, l'allégresse et les onomatopées aussi. Donc, je lui avais proposé d'écouter ce passage-là pour s'en inspirer aussi, pour travailler quelques onomatopées et donner un élan à ce passage. Okay. Donc, on va écouter « Boum » de Charles Trenet. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Oui, c'est sûr qu'on a entendu quand même pas mal de sons. Oui, tout à fait. Même, les onomatopées, oui. C'est très difficile à utiliser dans un roman, notamment. Donc, c'est bien de pouvoir le faire de temps en temps. Donc, s'inspirer des grands qui l'ont fait pour être capable de l'intégrer, nous aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une musicalité, de toute façon, dans l'écriture. Donc, c'est bien d'aller la rechercher. Ah, c'est intéressant, merci. Et là, on arrive vers la fin de l'émission, tranquillement, pas vite. Tu as des suggestions de lecture pour nous? Oui, plusieurs. Ça, je trouve toujours ça le fun, les suggestions de lecture. Ça donne des idées à tous pour des nouveaux livres à lire. On a justement toujours besoin d'avoir des nouvelles suggestions. Donc, tu m'as préparé une super belle liste. Oui, ben en fait, ça tombe bien justement après Trenet. Philippe Delerme, Journal d'un homme heureux. C'est publié chez Seuil dans la collection Point. En fait, on dit souvent que le bonheur ne s'écrit pas. Et Philippe Delerme, c'est un auteur du bonheur. Alors, ce sont souvent des chroniques très courtes, une écriture qui paraît simple parce qu'elle est dépouillée, mais parvenir à cette simplicité qui fixe l'essentiel, c'est un grand défi. Donc, je t'ai préparé deux citations. Oh, tu vas nous lire ça? Oui. La première... Écrire, dessiner, travailler au jardin, faire l'amour, allumer un feu, lire, goûter avec Vincent quand il revient du collège, tout cela dans la lenteur d'un temps qui nous ressemble, dans un silence chaud, patient, habité. Il n'y a pas de vie meilleure à boire que la mienne ces jours-là. Ce sont les jours ordinaires, j'aime moins les jours extraordinaires. C'est un ode un peu à la routine finalement, à notre fait. Vie. Oh. Ouais. Tu vois. Puis de temps en temps, tu peux lire juste une page de Delerme et puis tout de suite, tout va bien. Okay. Mais il est aussi capable de faire des petits coups de gueule parce que dans le bonheur, tout n'est pas lisse. Salon du livre à la porte de Versailles. Chaleur étouffante sur l'autoroute, puis au salon lui-même. Même impression désagréable que l'année dernière. Ces escaliers roulants infinis pour mener au livre par des boyaux de verre et de machines, ce lieu qui donne au livre un visage anecdotique, bêtement moderne, sont un contresens. Les gens qui dirigent tout cela n'ont rien compris à la supériorité du livre sur les autres moyens d'expression, rien à la permanence étrange de ce parallélépipède rectangle qui défie le progrès et le temps. Il faut rendre au livre son intimité, sa chaleur, l'idée de plaisir intime doit y rester liée. Donc, tu vois, on voit un peu aussi la dichotomie de l'auteur qui se doit aussi d'être dans ces événements-là, qui doit être en représentation, mais qui est tellement mieux dans la création. Oui, parce que ça, c'est vrai, c'est pas tous les auteurs qui sont à l'aise nécessairement au Salon du livre. Hein. C'est pas évident. Souvent, c'est un travail assez solitaire d'écrire, même s'il y a toujours une certaine équipe derrière l'auteur, ça reste que c'est un travail qui est majoritairement solitaire et d'aller voir plein de gens, surtout dans les salons du livre où est-ce que des fois il y a des tonnes de personnes. Ouais. Ouais, ça peut être assez étourdissant. Là. Exactement. Fait que ça, c'était ta première suggestion. Oui. En as-tu d'autres pour nous? Marie-Renée Lavoie, La Petite et le Vieux chez XYZ ou alors aussi en collection BQ, Bibliothèque québécoise pour le poche. Alors pour sa créativité, notamment dans l'exploitation des champs lexicaux dans ses métaphores, toute cette créativité qui est au service du ressenti. Et au lieu de, par exemple, au lieu de dire « mon physique maigre et un gramme désespéré », elle écrit « rien n'y faisait ». Mon corps n'arrivait pas à épouser l'idée que je m'en faisais. Je me sentais nourrie par la force et le courage de toute une armée, alors que la maigreur, ce charognard opportuniste qui s'est profité des failles héréditaires, me collait aux os en les recouvrant tout juste. La chair n'arrivait pas à s'y accrocher. Mon corps était un gâteau qui ne voulait pas lever, une sauce qui se refusait à prendre, une désolation. Waouh, c'est puissant. Tu vois. Donc tout de suite, en fait... Évidemment, son personnage est aussi le narrateur et on ressent les mêmes émotions. Alors que si justement elle avait dit ben, « mon physique maigre et un gramme désespéré », tu comprends qu'il n'y a rien qui passait. Hein? Non, c'est ça. Mais tantôt, tu l'as dit, hein, c'est la façon que l'auteur l'exprime parce que sinon, tout a déjà été écrit. Mais c'est la façon de le dire. Moi, j'ai lu un autre livre d'elle. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Il est sur ma liste. Ma gigoliste. Dans ta palle? Oui, c'est ça. Ben, même pas. Il est dans la liste écrite. Il n'est même pas physiquement chez moi, ce livre-là. Palle, pour les noms initiés, c'est la pile à lire. C'est un acronyme qu'on utilise. Donc, oui, j'ai lu, par contre, Autopsie d'une femme plate, de la même auteure. Et j'adorais sa voix, vraiment. Oui, c'est vraiment une auteure à surveiller, à lire, absolument. Ah, c'est très, très beau. Oui, tout à fait. Très, très intéressant. De temps en temps, je me régalais à relire une page tellement c'était très, très bien fait. Et ce livre-là, il me semble qu'il était... le livre que tu nous as recommandé, il se déroule dans Limoilou, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, hein? Tu vois, on fait du local. Ben oui, on est tellement local, nous. Bon, ben maintenant, on va reprendre l'avion. Parfait, on reprend l'avion. Avec Jacques Saucé, 7-13, publié chez Toucan Noir. Jacques Saucé est un auteur français de romans policiers, mais qui a écrit des romans qui se passent au Québec, qui a été publié d'abord, je crois, au Québec avant d'être publié en France. Et ce roman policier-là m'a épaté pour sa structure, son équilibre, son rythme, la psychologie des personnages, l'intrigue. Il nous mène vraiment par le bout du nez. Son style et aussi le regard qu'il porte sur la société. Puis, si j'ai choisi tout ça, on en a parlé déjà toutes les deux, c'est que un auteur, évidemment, doit lire et il doit affûter son regard aussi sur ce qu'il lit. Et donc, aller chercher des techniques d'écriture éventuellement chez d'autres et les appliquer autrement, puis se les approprier. Alors là, la citation, ça va être, je vous replace le contexte, le policier est allé sur la scène du meurtre et puis il doit rencontrer le mari de la personne qui a été tuée. Je pense aussi à cette Béatrice, dont le prénom ne m'évoque encore qu'un tas de chair putréfiée, qu'une odeur a coupé le souffle. La visite à son mari va me la rendre plus réelle, plus humaine. Bientôt, je vais savoir ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, qui elle voyait en dehors de son travail, si elle jouait du piano, si elle pratiquait le golf, la cuisine ou l'échangisme, si elle avait des projets, des ennemis, et peut-être aussi si elle avait rencontré de mauvaises personnes au mauvais endroit et au mauvais moment, et si elle lui en avait touché un mot. Quoique sur ce point, le conjoint est souvent le dindon de la farce, le dernier mis au courant de la dérive souterraine de la personne avec qui il vit et qui lui a déjà échappé sans qu'il ait réalisé. Quand ce n'est pas lui qui a fait passer sa moitié de vie à trépas, bien entendu. Wow! Encore une fois, hein, tout est dans le style, la façon de raconter les choses. Exactement. Parce que sinon, ça pourrait être banal, juste, ben, tu sais, des fois, j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce que c'est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, c'est quoi ses hobbies, puis c'est ça. Dans le fond, souvent, son conjoint n'est pas nécessairement au courant de tout ce qu'elle fait. Ça pourrait être ça, ça pourrait être vraiment plate, mais la façon dont c'est raconté... C'est grand. Hein. C'est ça. Mais en fait, un auteur doit aussi faire preuve d'empathie avec ses personnages. Oui. Pas que dans la vie, avec ses personnages aussi. Oui. Ah, c'est intéressant. Hey, il nous reste une minute à l'émission. Oui. OK. Ça n'a pas de sens. Hein? Vite, moi, ce que j'aurais à dire au niveau de tes suggestions, mm-hmm. parce que là, on n'aura pas le temps vraiment d'en dire une autre vu qu'on termine l'émission, c'est que moi, je vais aller mettre au complet toutes tes suggestions ouais. sur le blog julielioli.com. Si vous avez besoin de trouver l'adresse, c'est très facile de toute façon, julielioli.com. Mais sinon, si vous allez sur la page de CKRL, vous pouvez me trouver assez facilement aussi. Vous allez regarder la programmation, vous allez trouver le bouquin Confidence. Les informations sont là aussi. Donc, je vais mettre toutes les informations parce que tu avais vraiment fait plein d'autres suggestions. Puis ouais. Je sais que tu étais bien préparée aussi avec des citations. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre Lince, d'être venue nous voir. Avec plaisir, Julie. Cette semaine. On rappelle que tu es agente littéraire. Mm-hmm. Et si on a envie de te contacter encore une fois, ben c'est Marie-Pierre, c'est Agence littéraire Lince. Oui, en fait, c'est info@agencelittérairelince.net. Parfait. Et l'invitée de la semaine prochaine, ça va être Émilie Rivard, qui est une auteure jeunesse. Ouais. Avec elle, on va discuter, oui, d'être auteure jeunesse. Émilie, elle écrit une cinquantaine de livres. Mm. Là, jeunesse, quand même, est assez productive. Ouais. Et aussi, elle fait des ateliers dans les écoles. Donc, on va discuter de ça ensemble. Ça va être super intéressant. De la culture à l'école, oui. Oui. Donc, je vous laisse au bon soin de la prochaine émission, qui est Les Saints Patrons de l'Acouphène. Je souhaite une belle soirée.